Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le destin tragique de Marie-Joseph Angélique. Cette femme était noire, cette femme était esclave, parmi tant d'autres ici, même à Montréal. Et encore aujourd'hui, personne ne sait si, dans un geste de désespoir ou de colère, pour conquérir sa liberté, Marie-Joseph Angélique a allumé le feu dans la demeure de sa maîtresse et incendié Montréal. Mais qu'importe. L'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaël Jean, à l'occasion du dévoilement d'une plaque à la mémoire de Marie-Joseph Angélique le 7 avril 2006. Pour Michaël Jean, il importe peu de savoir si Marie-Joseph Angélique est responsable ou non de l'incendie qui mettra feu à Montréal le 10 avril 1734. L'important pour elle est de se rappeler qu'il y avait ici des esclaves noirs à l'époque de la Nouvelle-France et que Marie-Joseph Angélique incarne peut-être la lutte que ces esclaves vont mener pour retrouver leur liberté. L'esclavage est une énorme tache sur le passé de l'humanité. Les grands empires ont servi de figure emblématique à ce fléau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, au Québec, nous avons notre part de responsabilité dans ces horreurs. C'est une histoire qui est très connue du côté des historiens. Je trouvais ça dommage qu'elle ne soit pas plus connue de la population en général. Puis moi-même, en tant que femme noire, c'est très rare qu'il y ait ce genre de personnages-là à jouer, de personnages si riches et en plus québécois, des personnages qui prennent vraiment racine dans la réalité montréalaise. Angélique, c'est cette esclave qui était ici à Montréal, mais qui a toujours refusé sa position de femme noire en Amérique du Nord et à Montréal. Elle a toujours aspiré à sa liberté et à la fin de la pièce, elle le paie. Parce qu'elle n'a jamais voulu garder sa place dans une société qui lui disait qu'elle était l'équivalent d'un meuble. Elle le paie de sa vie. Sentez-vous quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi je ne sens rien. Il y a de la fumée sur les toits. Il y a de la fumée. C'est des flammes. Extrait d'un reportage sur la pièce de théâtre « Les mains noires », reportage diffusé à l'émission « Tam Tam Canada » en avril 2009. Vous y entendiez la comédienne Tetchena Bellange qui incarnait le personnage de Marie-Joseph Angélique dans cette pièce. Pour nous raconter l'histoire de Marie-Joseph Angélique, je reçois l'historienne Denise Beaugrand-Champagne, autrice du livre « Le procès de Marie-Joseph Angélique ». Denise Beaugrand-Champagne, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente, cette figure de Marie-Joseph Angélique, dans le Québec d'aujourd'hui, Madame Beaugrand-Champagne? Pour plusieurs noirs, elle est un symbole de résistance. Surtout dernièrement, on a entendu beaucoup parler dans les journaux. Mais pour moi, c'est une femme innocente qui a été accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Par contre, s'il y a résistance, c'est plutôt au niveau de sa personnalité. C'était une femme forte, une femme qui ne se cachait pas de donner son opinion, de contester les règlements dans son quotidien, dans ses gestes. Mais oui, pas par rapport au crime qu'on l'accuse d'avoir commis. Absolument. Parce qu'au fond, vous dites, ce crime-là n'est pas une manifestation de résistance. Non, parce qu'elle l'a réclamé. Elle s'en serait vantée d'avoir mis le feu si c'était un acte de résistance. Ouais. Donc résistance, mais par rapport à sa condition. Absolument. À l'époque. Oui. Ouais. Elle a longtemps été oubliée, cette histoire-là, l'histoire de Marie-Joseph Angélique. On a commencé à y revenir au 20e siècle seulement, 1920, des premières traces, quand on regarde un peu dans les archives. Les années 60, on s'y intéresse de manière un peu plus sérieuse. Et puis, à partir des années 90, vous allez faire partie de ça, il y a vraiment un effort qui est consenti à la découverte ou à la redécouverte de l'histoire de Marie-Joseph Angélique. Comment expliquer l'oubli, cet oubli si long? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on commence à s'y intéresser? D'abord, le mot « oubli », moi, je suis pas certaine. Ouais. Parce que pour qu'il y ait un oubli, il faut que, d'abord, on l'ait connu, l'histoire, pour l'oublier ensuite. Mais on ne connaissait pas l'histoire. Dans mes recherches, j'ai trouvé un article en 1925, mais c'est surtout un plan. On voit un plan de Montréal, on dit « c'est ici qu'il y a eu lieu un incendie en 1734, c'est une noire... Qui a mis le feu, une esclave noire, point, à la ligne. Première référence, dans La Patrie, en 1925. Oui, je crois que c'est ça, La Patrie, ouais. 1925. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait l'Histoire du Canada pour la 5e année, l'Histoire du Canada pour la 6e année. Alors, dans ces bouquins-là, c'est l'enseignement de l'histoire à l'école, il n'y a aucune mention des esclaves, ni noirs, ni amérindiens. Il va avoir Marcel Trudel avec son dictionnaire des esclaves qui va mentionner l'existence d'Angélique, mais son travail colossal, c'est de répertorier les esclaves et le nom des propriétaires des esclaves. Oui. Il ne s'intéresse pas au procès lui-même et aux détails. Pour lui aussi, elle est coupable. Mais là, ça, c'est déjà quand même, pour nous, oui, la découverte de cette réalité qu'on n'avait pas voulu voir. Il y avait eu de l'esclavage chez nous en Nouvelle-France. Oui, absolument. Ouais. On va en parler un petit peu, mais les historiens, les archivistes, eux, connaissent l'existence. Ouais. Dans les années 90, il va y avoir des romans, mais ce n'est pas basé sur les faits eux-mêmes. C'est romancé. C'est vraiment en 2004... quand j'ai publié mon livre, qui est basé totalement, uniquement sur des documents d'archives. Il n'y a rien de romancé. Ouais. Je n'ai rien inventé. Je connais bien la Nouvelle-France. Je connaissais tous ces gens-là qui sont mentionnés dans le procès. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fouillé non seulement le procès lui-même, c'est quelques plus de 200 pages manuscrites, mais tous les documents d'époque qui pouvaient éclairer ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est les 2 mois qu'a duré le procès. Et ça, donc, c'est vraiment le point de départ de cette reconnaissance de cette femme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, entre autres, c'est ce que vous avez fait au cours de ce procès d'à peu près 2 mois. Et ce qui est intéressant de cette histoire-là, c'est que au-delà du fait que c'est une bonne histoire à raconter, ça nous en dit beaucoup, l'histoire de Marie-Joseph Angélique, sur notre histoire, sur la grande histoire. Oui, absolument, parce que ça nous informe sur l'existence, comme on l'a dit, des esclaves non seulement noirs, mais aussi amérindiens, qui étaient drôlement plus nombreux que les esclaves noirs, non seulement à Montréal, mais sur tout le territoire de la Nouvelle-France. Ça nous indique aussi, dans le procès lui-même, le quotidien des esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les maisons, sur la rue, surtout de l'injustice du système judiciaire en Nouvelle-France. Comment quelqu'un pouvait être accusé sur une seule rumeur. Les accusés n'avaient pas droit au service d'avocat. Ouais. Les accusés demeuraient dans leur cellule tout le long du procès. Donc, les accusés n'avaient aucune connaissance des dépositions des fameux témoins. Ils ne connaissaient pas qui étaient les témoins et ce que les témoins avaient dit au juge. Absolument. Ça, c'est incroyable. Ils n'assistaient même pas à leur propre procès non. avant d'y témoigner eux-mêmes. Et on sait aussi qu'Angélique, dans ce cas-ci, a avoué, mais uniquement sous la torture. Il y avait ouais. torture. C'est ça, le système judiciaire à cette époque-là. Donc, on va y revenir à ce processus judiciaire vicié dans quelques minutes. Mais un petit mot quand même d'abord pour nous dire d'où elle part, Marie-Joseph Angélique. Parlez-nous un peu d'elle. D'où est-elle originaire? Quel est son parcours avant de se retrouver en Nouvelle-France? Parce qu'elle n'est pas en Nouvelle-France. Non, elle n'est pas née en Nouvelle-France. Et les informations qu'on possède sur elle proviennent du procès lui-même. C'est elle-même qui déclare, dès son premier interrogatoire, on lui pose la question « Qui êtes-vous? » Et elle dit, bon, quelle est la propriété de Mme de Francheville. Elle dit, je suis née au Portugal vis-à-vis Madère. C'est exactement ces mots. Au Portugal vis-à-vis Madère. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est née sur l'île de Madère? Mais l'île de Madère n'est pas vis-à-vis de non. Portugal. C'est quel, quoi, 900 kilomètres? Ouais. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé au nord de Lisbonne un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Madère. Est-ce qu'elle est née en face de ce village-là, de ce hameau-là? C'est aussi possible. On sait ensuite on la retrouve dans les colonies, ici en Amérique, dans les colonies anglaises. Elle est la propriété d'un Hollandais qui s'appelait Nicholas Black et qui habite à Albany, dans l'État de New York. Et lui, elle va vivre un certain temps là, et lui va la vendre aux Francheville. Alors, Thérèse de Coigne et François Poulain de Francheville... elle va arriver à Montréal en 1725. On sait que les Français ne pouvaient pas commercer avec les Anglais, donc elle va être envoyée ici, sans doute par le biais des Amérindiens qui remontent ouais. les rivières. Il faut s'imaginer qu'elle est née au Portugal. Elle parlait peut-être le portugais. Elle parlait peut-être un dialecte africain. Mm-hmm. Ensuite, elle se retrouve chez un Hollandais, donc parlait hollandais, parlait anglais, et ensuite se retrouve à Montréal où on parle français. Je crois que c'est un point qu'il faut se rappeler tout le temps du procès. Est-ce qu'elle comprenait vraiment ouais. les questions qu'on lui posait? Oui. Elle va avoir 3 enfants avec un dénommé Jacques César. Elle sera, au moment de son arrestation, elle a une liaison, elle est la maîtresse de Claude Thibault. C'est important, puis on va y revenir. Tentative d'évasion aussi avant l'incendie du 10 avril 1734. En fait, dans la rumeur qui va courir, puis on va y revenir sur la rumeur Mme Beaugrand-Champagne, mais dans cette rumeur-là, un élément important, c'est qu'on la soupçonne de ne pas vouloir partir à Québec parce que sa maîtresse l'aurait vendue et elle le saurait. Oui, c'est une autre rumeur. Ouais. C'est une autre rumeur qui circule, qu'elle a entendue chez des employés de la famille Lemoine-Monnière. Je crois que c'est le cocher de M. Lemoine-Monnière qui lui a dit, qu'il avait entendu dire qu'elle serait vendue et envoyée à Québec dès la fonte des glaces. Donc ça ferait partie, puis on y reviendra à cette rumeur, mais de l'équation. Il y aura tout un argumentaire qui sera développé pour dire qu'elle est coupable de ce crime dont on l'accuse. Puis ce crime-là, on le rappelle, donc, c'est d'avoir mis le feu à la maison de sa maîtresse. Et cet incendie du 10 avril 1734 va, au fond, ravager une bonne partie du Montréal de l'époque. Que se passe-t-il ce soir-là, le 10 avril 1734, Denise Beaugrand-Champagne? Alors, selon les témoignages, nous savons qu'il faisait particulièrement doux le soir du 10 avril. On sait qu'Angélique et sa voisine, Marie Manon, qui était aussi une esclave amérindienne, étaient sur la rue, gardaient les 3 petites filles, dont la nièce de Mme Francheville, que les propriétaires, si vous voulez, de ces esclaves, étaient à la prière du soir sur la rue Notre-Dame, à l'église de l'époque. Et c'est le soldat qui est de garde toujours devant l'Hôtel-Dieu sur la rue Saint-Paul, donc devant la maison des Francheville, qui fait la garde devant l'hôpital. Il y a toujours un soldat qui va crier au feu. Ouais. Alors, c'est comme ça que se déclenche l'événement. Les gens sortent dans la rue. Très rapidement, en 3 heures, 45 maisons vont brûler, dont l'Hôtel-Dieu, qui venait à peine d'être reconstruit suite à un autre incendie en 1721. Le vent souffle, on sait que le vent soufflait très fort d'ouest vers l'est. C'est pour ça que les maisons sont toutes, à partir de la maison des Francheville, vers l'est, les maisons sont incendiées. Oui. Et très vite, donc, on va l'arrêter, Marie-Joseph Angélique, on va l'accuser d'être responsable de cet incendie-là. Puis on y vient à cette fameuse rumeur, parce que la rumeur va jouer un rôle important dans le procès, mais dès le moment de son arrestation, c'est sur la base de oui-dire, au fond, qu'on l'arrête. Elle part d'où, cette rumeur, et en quoi elle consiste, essentiellement? Alors, la rumeur, c'est en étudiant toutes les dépositions des gens. Il y a 22 personnes qui vont se présenter au procès, qui vont être appelées à témoigner. Et les gens vont tous dire, chacun leur tour, qu'ils ne savent pas qui a mis le feu. Ils n'ont pas vu Angélique mettre le feu, mais ils sont convaincus que c'est Angélique parce que la rumeur le dit. Ils l'ont oui-dire. C'est ce qu'ils répètent tout le temps. J'ai oui-dire que c'était Angélique. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai oui-dire que c'était elle. Et cette rumeur-là, si on l'étudie dans le procès, on découvre qu'elle est l'origine de Marie Manon, la petite fille de 15 ans, qui est esclave amérindienne, la voisine d'Angélique, qui était avec elle sur le pas de la porte le soir de l'incendie. On sait que c'est elle qui a parti ça. Elle aurait dit... Elle répète au juge qu'Angélique aurait dit « Ma maîtresse ne dormira pas chez elle ce soir. » Oui. C'est cette phrase-là. Et à partir de là, tout le monde a répété cette rumeur. Et c'est là qu'Angélique ne s'est pas sauvée pendant l'incendie. Si elle avait vu, en fait, mettre le feu, elle ne s'est pas sauvée. Elle est demeurée dans le jardin de l'Hôtel-Dieu. Elle avait aidé à sauver les meubles de sa maîtresse. Et c'est le lendemain matin, la milice est allée l'arrêter dans le jardin de l'Hôtel-Dieu, alors que lui, Claude Thibault, avait disparu. Son amant, puis ça va participer de la rumeur. Cette conviction dont vous parliez, des témoins qui n'ont rien vu, mais qui sont convaincus qu'elle est coupable, on écoute, ça va être au fond l'histoire du procès et de tout le processus judiciaire autour de l'affaire entourant Marie-Joseph Angélique. On écoute mon collègue Serge Bouchard décrire un peu cet état d'esprit à l'émission de Remarquables oubliés en novembre 2007. Le juge Rimbaud est convaincu que Marie-Joseph a mis le feu. Il est convaincu qu'elle voulait se venger de sa maîtresse, qu'elle voulait s'enfuir, qu'elle voulait profiter de cette catastrophe pour s'enfuir avec Thibault. Il est convaincu que Thibault est complice. « Alors là, toute la structure de l'accusation va se mettre en place. Toujours par oui-dire. Un dira, ou une dira, avoir vu Marie-Joseph sortir à la rue, regarder le toit avant l'incendie. L'un dira qu'elle était nerveuse, qu'elle aurait dit, qu'elle a fait, mais pas de preuve. Aucune preuve. Et évidemment, Marie-Joseph nie tout. Et pendant ces semaines, il va y avoir 5 interrogatoires. Elle est toujours en prison. Il va y avoir 5 interrogatoires serrés. Et le juge Rimbaud et tous les officiers de justice ne réussissent pas à lui faire avouer. En fait, elle dit qu'elle n'a pas nié le feu, qu'elle niait pour rien. Donc, elle va avouer qu'il y avait de la tension dans la maison. Oui, elle n'aime pas les Blancs. Oui, tout ça, mais jamais elle n'aurait mis le feu à la maison de sa maîtresse. Ah, cet extrait de l'émission de Remarquables oubliés avec Serge Bouchard nous montre assez clairement quel est l'état d'esprit présent à l'époque et dans la salle de tribunal, entre autres. Parlez-moi de ce procès que vous avez étudié méticuleusement, Denise Beaugrand-Champagne. Ça va durer près de 2 mois. Comment ça va se dérouler, ce procès-là? Dès le premier jour, la loi criminelle exige qu'on interroge l'accusé ou la personne arrêtée dès les premières 24 heures. Alors, c'est ce qui va arriver. La première étape, c'est d'interroger Marie-Joseph Angélique. Ensuite, c'est le procureur qui envoie des documents au juge en lui disant « Faites comparer telle personne, telle personne, telle personne. » Alors, il n'y a personne dans la salle. Il n'y a pas de public. Il y a le juge, il y a le huissier audiencier, celui qui ouvre les portes. Il y a le greffier qui prend note. Alors, c'est le document original qui existe toujours, de la main de Claude Parlier, qui était le greffier. Alors, c'est une question, on écrit, elle a été interrogée à savoir si l'accusée a répondu que. Ouais. C'est ainsi que se déroule. Alors, il va y avoir les dépositions des 22 personnes. Ensuite, il va y avoir des récollements, c'est-à-dire que les mêmes personnes reviennent devant le juge et c'est là qu'ils décident s'ils peuvent ajouter ou retirer quelque chose à leur déposition. Ensuite, le juge, ou le procureur plutôt, va décider des confrontations. Est-ce qu'on va confronter l'accusé avec telle personne dans l'espoir que l'accusé perde le contrôle, accuse ou dénonce quelqu'un d'autre ou parle des personnes qui auraient pu l'aider? Et ensuite, il va y avoir les deux interrogatoires sur la sellette, un petit banc de bois. On va très bas, on va asseoir l'accusé et c'est le juge avec ses 4 conseillers qui entourent très proche l'accusé. Très intimidant. Absolument, absolument. Ouais. Et épeurant. Ouais. Et on la bombarde de questions rapides pour voir si elle va répondre tout le temps la même... Ouais. Si elle a toujours la même réponse, si elle se dit toujours innocente. Et ensuite, la conséquence, le juge va la déclarer coupable. Et de là, on va la condamner à mort. Et la loi criminelle exige que lorsque quelqu'un est condamné à mort... ou à des sévices corporels, et il y a automatiquement un appel. Oui. Alors, c'est-à-dire que l'accusé, donc Angélique, le huissier, on part avec les soldats, on monte à Québec, c'est le conseil supérieur qui va s'asseoir, regarder le procès, supposément, et Angélique est disponible pour être interrogée de nouveau. On ne l'interrogera pas. Par contre, ce qui va être décidé par le conseil, c'est que la sentence du... juge Rimbaud, qu'on a trouvé beaucoup trop sévère, va être modifié. Mais va rester quand même sévère. En un mot, elle va t'exposer à quoi, Marie-Joseph Angélique? Elle doit demander pardon au roi, à la justice, devant l'église Notre-Dame à Montréal, en tenant une torche pesant 2 livres. Mais elle n'aura pas un écriteau qui dit incendiaire. Ouais. Elle ne sera pas trimballée dans un tombereau à immondice, mais dans une charrette. Elle n'aura pas le poing, la main coupée d'un coup de hache. Elle ne sera pas brûlée vive non plus. C'est-à-dire qu'on va l'exécuter et ensuite... C'est ça. On va la pendre et ensuite on va brûler son corps sur un bûcher devant la foule. Ouais. Vous disiez que cette histoire-là nous permet de voir l'injustice du système de justice à l'époque de la Nouvelle-France, nous permet de redécouvrir ou de découvrir qu'il y avait de l'esclavage en Nouvelle-France, nous permet aussi de nous rappeler qu'on avait recours à la torture en Nouvelle-France. À ce sujet, un extrait de l'émission, parce que Marie-Joseph Angélique sera victime de torture, on écoute donc à ce sujet un extrait de l'émission Québec, diffusée à Télé-Québec en 2019. Vous allez y entendre l'animatrice Noémie Mercier et les historiens Jean-François Nadeau et Laurent Turcot. Est-ce qu'on pratique la torture en Nouvelle-France? À l'époque, on est dans une tradition où interroger les gens, ça se fait pas forcément en présence d'un avocat, puisque l'avocat est interdit. De toute façon, on est dans une justice quasi-militaire, et les militaires étant ce qu'ils sont, et la pratique de l'époque étant ce qu'elle est aussi, ben, on peut interroger assez brutalement. On est dans un droit coutumier dit français. Et dans ce droit coutumier, on doit trouver la vérité quand un crime a été commis. Ce qu'on Puis on appelle... considère que la torture, c'est une bonne façon d'y arriver. Oui, on l'appelle même la question qui permet d'arriver au verdict. Ça ressemblait à quoi? Ben, il y a les brodequins. Les brodequins, c'est qu'on prend certains membres, bon, souvent les jambes, et on va les compresser entre deux planches jusqu'à ce que, éventuellement, les membres éclatent. Il y en a d'autres, le supplice où on fait boire de l'eau. Donc, le ventre peut grossir, grossir, grossir, grossir. La fonction première de la torture, faire peur pour forcer à l'aveu. Et dans la conception des Français et des gens de la Nouvelle-France du 17e, 18e siècle, la torture, elle est nécessaire. Alors, avant d'être exécutée, Marie-Joseph Angélique va être elle-même victime de torture, Denise Beaugrand-Champagne. Quel traitement va-t-elle subir? Alors, c'est la torture des brodequins, ouais. Comme on l'a entendu. Alors, c'est deux planches de bois dur attachées au niveau des genoux et des chevilles. Et avec un poing et un maillet, on pose la question ordinaire, 4 questions. La question extraordinaire, 4 autres questions pour qu'elle avoue son crime, bien sûr. Et si elle a eu l'aide de Claude Thibault, ouais. Le quiconque. Alors, quand j'ai lu le procès, j'ai fait de la recherche sur les brodequins et je me suis fabriqué des brodequins en chaîne, comme ça. Et naturellement, j'ai pas essayé avec un maillet d'enfoncer les coins. J'ai tout simplement appuyé avec mes pouces. Et croyez-moi, la douleur est tellement intense que... On dirait n'importe quoi, finalement. On dirait n'importe quoi. Moi aussi, je suis coupable d'avoir mis le feu à Montréal en 1734, croyez-moi. Et ça, c'est la vraie question. Puis on va terminer là-dessus. L'a-t-elle commis, ce crime, ou pas? À mon avis, c'est un accident. Carrément. Carrément, parce que tout le monde dit que les personnes chauffaient leur maison ce jour-là, sauf chez Berry des Essarts, qui est le trésorier du roi, et qui, on le sait bien, c'est Marie Manon, son esclave amérindienne, qui, dans un témoignage, j'ai lu le procès, je ne sais pas combien de fois, avant de me rendre compte qu'il y a un endroit, elle dit « Je suis rentrée dans la maison 15 minutes avant l'incendie pour aller tourner la broche. Ouais. » Parce qu'elle faisait cuire un morceau de viande. Donc, il y avait un feu dans la cheminée de Berry des Essarts, qui est exactement la maison voisine d'Angélique, et qui, avec le vent qui soufflait très fort ce soir-là, aurait pu déclencher l'incendie de la ville de Montréal. Si François Berry des Essarts avait été trouvé coupable de ne pas avoir ramonné ses cheminées comme le voulait la réglementation, il aurait été trouvé responsable de la perte de toutes ses maisons. C'est plus simple de se débarrasser d'une esclave que d'avoir à payer pour les 46 maisons et leurs propriétaires les frais. Denise Beaugrand-Champagne, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.